Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce mois-ci, pour cette émission, nous allons plutôt parler des femmes, de la dimension féministe. Un mot qui est un peu compliqué à défendre parfois devant les politiques, puisque la mission des groupes locaux est aussi d'aller les interpeller. Et à chaque fois que j'ai fait cette tentative, les gens m'ouvrent des yeux éberlués, devinant, ne pensant pas qu'Oxfam avait porté aussi cette dimension. Eh bien, chez Oxfam, il y a un mot d'ordre qui est que nous souhaitons un monde où les inégalités ne sont plus la norme, où les rapports de force sont inversés et où les femmes ne sont plus dominées. Voilà, c'est en exergue sur le site Oxfam. Eh bien, pour cette émission qui va démarrer un cycle d'émissions autour de la femme et des préoccupations des femmes, peut-être par demi-émission, on va voir comment ça va se passer, avec des invités du groupe local qui m'ont déjà répondu sur cette question, parce que quand on va voir des élus, on y va souvent à deux, et on joue la parité aussi. Donc voilà, pour présenter cette émission avec Isabelle, que j'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui sur cette émission. Bonjour Isabelle. Bonjour JP, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Bah écoute, je crois que c'est la deuxième fois que tu viens dans les studios de Fadjet. Pour rappel, effectivement, on s'était trouvé lors d'une manifestation. C'était le 1er mai. C'était 1er mai ? C'était pas 8 mars. 8 mars peut-être. En tout cas, c'était au printemps dernier, par rapport à la défense du droit international, c'est ça, sur le droit des femmes. Et à ce moment-là, c'est vrai que le groupe local accompagne aussi le mouvement. Et avec plaisir, tu as dit OK pour prolonger la discussion. Et effectivement, j'ai un peu besoin de toi, Isabelle, en tant que coordinateur du groupe local, par rapport à ton approche sur cette question du mot, en fait. C'est le mot qui accroche, qui fait qu'il n'est pas digeste, je trouve. Moi, à mon niveau, je m'y fais vraiment bien, il n'y a pas de souci. Simplement, quand on l'évoque, il y a les regards qui changent. Chez Oxfam, on se dit qu'on pourrait vraiment changer les regards, déjà, changer la donne. Et puis, la Confédération des Oxfam est très portée sur la question des femmes, bien sûr, en Afrique de l'Ouest, mais pas que cette région du monde. Enfin, bon, c'est en langue française, donc Oxfam France a des missions au Mali, au Burkina Faso, etc. Et il y a même des militantes là-bas qui sont des vrais relais pour Oxfam. Et c'est surtout des femmes. Parce que la question du réchauffement climatique, la question d'éducation des jeunes femmes, la question du planning familial, tout ça, c'est... Bon, voilà, Oxfam est très présent dans ces contrées-là. Mais pour la France, il s'agit plus de plaidoyer, d'aller voir comment que ça se passe au niveau des collectivités locales, au niveau des comportements. Et puis en France, on a ce phénomène de société qui est actuellement, on en parle beaucoup, ces féminicides qui ne baissent dans le volume, donc le nombre ne cesse pas d'augmenter. Enfin, voilà, c'est un... Tout ça mis en vrac. Donc Isabelle, une première question pour toi, parce que en préparant cette émission, pour un avenir féministe, comment tu vois sur le court ou moyen long terme et localement, est-ce que tu aurais des idées à nous soumettre? Moi, je peux parler déjà de moi, de ce qui me motive. Moi, j'ai eu une mère féministe qui m'a fait apprendre un métier d'homme, électrotechnicienne, qui voulait que je sois quelqu'un d'autonome et elle y a réussi. Ce qui me motive vraiment, c'est que peut-être on peut encore inventer un autre monde. Défendre le droit des femmes, c'est nécessaire. On le voit avec l'Afghanistan, on le voit avec les États-Unis, on le voit. Mais militer, pour moi, c'est construire, c'est pas juste réparer. Construire en Occident, maintenant, c'est pas juste réparer ce que le mal qui nous a été fait sur plusieurs siècles. C'est être force de proposition. Quand le mot féministe, il a longtemps fait peur, comme s'il était contre les hommes. Mais être féministe, ce n'est pas ça. C'est refuser un système qui enferme tout le monde, les femmes dans l'injustice et les hommes dans une virilité impossible. Voilà ma définition. Bon, Puisque récemment, s'est créé le groupe local Oxfam à Metz, et à l'ouverture de ce groupe local, ils ont projeté le film Riposte féministe, que je me suis bien sûr allé voir avec une amie du groupe local, et puis saluer ce groupe local de Metz qui démarre vraiment très fort, avec il y avait une trentaine de personnes pour cette soirée. Ce film avait été montré au Caméo il y a peut-être maintenant un an et demi. Et on voyait en évidence ces mouvements qui s'appellent Nous Toutes, ou ce mouvement qui collait des affichettes sur les murs. Je ne sais pas si tu en as entendu. Oui, je connais. Bon. Et effectivement, en discutant avec l'ami dans la voiture en revenant de Metz, chez Oxfam, c'est vrai qu'on développe l'esprit critique. On regarde ça de près. Ce sont de très belles images montées par Depardon, hein, qui est un très bon cinéaste. Et sur ce coup-là, on trouvait que ça vient un peu en opposition, ça vient comme un mouvement de balancier depuis MeToo, depuis on voit que les... Ça envoie très, très loin, très large, et il y a un petit côté gênant. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, ce n'est pas gênant. Il faut, si on entend autant parler des féminicides, ce n'est pas parce qu'il y en a plus, c'est parce que maintenant, on les nomme et on les met ils sont mis en avant par les médias. C'est une certitude. Avant, c'était un fait divers, oui. C'était un crime passionnel. Les policiers n'y croient pas. Et c'était un crime passionnel. Maintenant, on le dit, c'est un crime contre les femmes, parce qu'elles sont femmes. Donc la donne a changé au niveau de la loi. La donne a changé au niveau de la loi. Le féminicide a été reconnu comme tel. C'est pas juste un meurtre. Et puis, bon, j'ai pas vu le film. Bon, après, je peux comprendre le sentiment de certains hommes. Quand une société change, elle réveille des peurs. Dire non après des siècles de silence, forcément, ça se déstabilise. Mais la remise en question n'est pas une attaque, c'est un passage. Qu'on vit, c'est un apprentissage commun. Pas une guerre, bien que la communauté masculiniste résiste fortement, on le voit actuellement aux États-Unis. Ouais. Despentes l'a très bien décrit dans « Cher connard ». Quand on est tous cabossés par la même culture, le féminisme, ce n'est pas se venger, c'est réapprendre à vivre ensemble. Ouais, exactement. Mais pour ça, il faut déjà dénoncer ce qui a été fait. Et je trouve que ce que font depuis MeToo toutes ces communautés féministes, c'est un bon signal. Ce ne sont pas des signaux violents que d'afficher des feuilles A4 sur les murs. Tu vas directement peut-être une conclusion à cette heure-ci, mais c'est pas bien grave. J'avais effectivement repéré en préparant cette émission. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Et moi, je dirais même que si on veut invisibiliser les femmes, on veut aussi invisibiliser toutes les minorités, LGBTQIR. Exactement. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est plutôt grave, quoi. Oui. Eh bien, à Metz, il y avait effectivement quelques personnes de la communauté queer. Et avant tout, là, j'ai une phrase sur la démocratie de Camus que j'ai toujours beaucoup appréciée. Bon, ouais. C'est la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, c'est la protection des minorités. Tout à fait. Début de premier quart d'heure d'émission, on va peut-être s'arrêter là, mais... Je voudrais juste rajouter, au début, tu m'as posé une question sur ce qu'on pourrait faire ici, localement. Il faut savoir qu'il y a une maison des femmes qui va ouvrir au mois de novembre à Nancy. Juste. Et que le planning familial va réouvrir après 15 ans d'absence. Et ça, c'est un geste plutôt fort et qui est appréciable. Parce que toutes les jeunes filles, le premier endroit où elles vont, c'est au planning familial. Merci pour cette information. Un premier choix musical de ta part, Isabelle ? Quand nous chanterons le temps des cerises et guet rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour, robe pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail. Qu'en cueillant, rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Oui, donc en revenant de Metz avec l'ami militante à Oxfam qui me disait en fait, on ne gagne rien à opposer les hommes et les femmes. Les oppositions des luttes n'apportent rien que de la séparation. Et bon, je te rejoins Isabelle sur ce propos. C'est vrai que de toute façon, en étant engagé aux côtés des femmes, on ne peut faire en sorte que le monde soit meilleur et change dans le bon sens. Alors, je suis partagée, moi c'est oui et non. Opposer c'est facile, mais il faut tout d'abord le combat, on le voit bien dans l'histoire des droits des femmes, dans l'histoire de l'esclavagisme, dans l'histoire des minorités. Dialoguer c'est plus difficile, mais c'est là que tout se joue. Le féminisme pour moi c'est un pont, pas un mur. Mieux vivre ensemble et arrêter de croire qu'aimer l'égalité c'est détester les hommes. Le féminisme est pour la justice, pour la liberté et pour l'humain, tout simplement. Bon, ben voilà, c'est dit, c'est bien mieux comme mais ça. Mais on ne peut pas éviter le combat. Et pour revenir à ce que propose Oxfam France pour un plan de relance féministe, bon, effectivement, ça a été dit depuis quelques semestres, trimestres sur les médias, que les inégalités persistent à tout point de vue, ne serait-ce que sur les écarts de salaire. Bon, ça c'est clair que ça ne va pas du tout. L'écart de salaire en France entre femmes et hommes est de 27,2%, ils sont très précis, dans le secteur privé, et 16,4% dans le secteur public. Et les femmes occupent près de 80% des contrats à temps partiel, considérés comme plus précaires. Bon, sans parler aussi des femmes qui vivent seules avec un enfant, ça c'est, maintenant c'est de plus en plus. Et les inégalités s'accumulent pour les femmes vivant en zone rurale ou dans les quartiers populaires qui font face à davantage de difficultés en matière d'insertion professionnelle. Enfin, voilà, si on tire le fil, on a vraiment là quelque chose qui ne va pas bien. Mais on en parle maintenant. Moi, je suis d'une génération où j'ai élevé mes deux enfants toute seule, où j'ai habité à la campagne, où ma carrière n'a pas pu décoller parce que j'élevais mes deux enfants, où j'étais en difficulté financière pendant 20 ans. Et on en parlait peu, alors que maintenant, on en parle. C'est déjà une différence. Mais tu as pu t'en sortir par un biais qui t'est propre. Hein, Je peux aider toutes mes sœurs pour ce qui est de l'endettement et du surendettement. Je suis le roi du pétrole. Et je citerai encore mes sources par rapport à une... Justement, j'ai parlé tout à l'heure de la zone sahélique où Oxfam France est très présent avec des partenaires locaux. Eh bien, il y a une écrivaine et universitaire britannique nigériane. Bon, là, on est, pour le coup, enfin, c'est anglais, mais bon, comme Oxfam est franco-anglais, on va dire comme ça. Et cette femme disait que nous devons nous réjouir du fait que de nombreuses femmes reconfigurent le féminisme, que le militantisme de base se répand comme une traînée de poudre et que des millions de femmes s'éveillent à la possibilité de s'approprier notre monde en tant qu'être humain à part entière. Donc, ça rejoint entièrement ton propos. Effectivement, en actionnant ce levier du féminisme en tout point de la planète, on va faire quelque chose une démocratie aussi plus ouverte, on va faire quelque chose qui devrait mieux fonctionner. Et c'est... Oui, enfin, tout simplement, quand on est ensemble, on est plus fort. Voilà, bon, il faut se méfier des phrases qui sont un peu trop toutes faites, mais elles prennent tout leur sens. Elles sont vraies. Mais elles sont vraies. Elles sont vraies. Si on est une communauté de femmes et que nous soutenons les unes les autres, dans nos difficultés de famille monoparentale, dans nos difficultés de carrière professionnelle, on devient plus fort. En tout cas, localement, nous avons pour mission d'aller voir les élus, mais comme tu m'as appris que cette maison des femmes allait ouvrir, enfin, Nancy avance dans le bon sens, je dirais. Oui. Je ne sais pas si tu le mesures aussi. Moi, je peux vous parler de l'Université de Lorraine beaucoup plus que de Nancy, puisque moi, je suis très impliquée dans le plan égalité femmes-hommes et l'égalité, diversité, inclusion de l'université. Et chez nous, depuis 3 ans, depuis la nouvelle présidente, on avance. Oui, tu mesures ça. Tu as clairement, oui. Il y a des indicateurs, oui. Okay. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Merci d'avoir partagé. Et puis, pour terminer, j'ai repéré ça aussi dans mes notes. C'est ce fameux... j'ai vu ça du côté de Milan, en Italie. Ce féminisme washing, où des grands groupes, effectivement... mettent en avant le fait qu'ils ont une DRH femme et un staff féminisé avec l'égalité homme-femme et ils communiquent là-dessus, ils bombent le torse. Et qu'est-ce que tu en penses? Quasiment tous les grands groupes font ça maintenant, comme ils font du greenwashing. C'est le piège du succès, hein, quand une idée devient à la mode, on finit par la décorer. Mettre une femme à la tête d'une entreprise, c'est bien, mais si les salaires restent inégaux, si les employés précaires restent invisibles, alors rien n'a changé. Le féminisme, c'est pas du marketing, c'est du vécu. C'est une remise en question de notre société capitaliste et patriarcale. Mais bon, je reste optimiste, hein, parce qu'au fond même, ces maladresses montrent une chose, le sujet n'est plus caché. Le mot féministe n'est plus un gros mot. Et c'est déjà une victoire pour moi. Et pour nous tous. Bon, ben merci Isabelle pour ton témoignage. Et puis peut-être à une autre fois sur Fadjet ou sur des manifestations, se retrouver dans la rue pour toujours dire... Ou à l'opéra. Ça arrive aussi dans des lieux culturels remarquables aussi. Ben merci à toi JP et puis merci à toutes et tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à vous, à bientôt.